Thank you. Cohen n'est pas un musicien. C'est le larbin de Ryan. La politique corrompue de Ryan est en train de tout foutre en l'air et Cohen s'agite pour faire le ménage. Et au lieu de prendre une pelle comme un véritable abruti, Cohen s'en sort avec une jolie mélodie et quelques phrases bien tournées. Mais il a beau y mettre les formes, il n'arrive toujours pas à masquer l'odeur. Une fille a essayé de me vendre des Oxford Club. Je lui ai répondu que je ne fumais que des Nicotimes. Et que je ne changerai pas. Et pourquoi? Parce qu'elles grillent bien et qu'elles ne coûtent pas cher. Je me moque de savoir qu'elles sont faites avec des coquillages et des œufs de poisson. Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... Steinman m'a remodelé, mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille? Que leur ai-je donc fait? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle! Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait, comment ils ont provoqué ma ruine et celle de Rapture, je me sentirais peut-être mieux. J'aurais pu être... la coqueluche de Broadway. La star d'Hollywood. Mais... j'ai préféré vous suivre dans cette baignoire humide. Je vous ai illuminé quand vous aviez besoin de ma lumière. Et je végète aujourd'hui dans l'attente d'un public qui ne viendra jamais. Je suis en train d'écrire une œuvre pour vous, Andrew Ryan. C'est un requiem. Rapture court à sa perte. Et pourquoi? À cause d'eux. Ils sont toujours là, aux Beaux-Arts, dans les galeries de Sceaux, et même ici, dans cette utopie. Les incrédules. Mais Ryan comprend. Nous sommes en osmose. Oui, il y a du sang dans les rues, et oui, les gens disparaissent parfois. Et... horribles fillettes. Les incrédules doivent penser que l'on peut peindre une toile sans salir sa blouse. Quelques remarques au sujet de la dernière insulte musicale d'Anna Culpepper. Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture, je ne comprends toujours pas pourquoi vous consacrez vos colonnes à cette aberration musicale. Quand elle n'est pas banale, elle est assommante. Quand elle n'est pas assommante, elle est prévisible. Quand elle n'est pas prévisible, elle est dangereuse. Je veux enlever les oreilles du lapin sauvage par Sander Cohen. Je veux enlever ses oreilles, mais je ne peux pas sauter. Et quand j'essaye, je ne décolle pas du sol. C'est ma malédiction éternelle. Je veux enlever les oreilles, mais je ne peux pas. C'est ma malédiction. Je veux enlever les oreilles. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les, s'il vous plaît. Cet horrible docteur Tenenbaum m'a promis que ce ne serait pas une grossesse normale. Qu'ils allaient extraire l'embryon une fois que Monsieur Ryan et moi nous aurions... J'avais besoin d'argent. Mais je sais que Monsieur Ryan va le découvrir. Il va savoir que je n'ai pas pris mes précautions. Il va savoir que j'ai vendu le... Monsieur Ryan va être furieux après moi. On vient de me demander de refroidir Anna Culpepper. Elle n'a rien d'un gangster ou d'une politicarde à la tête froide. C'est une dingue évaporée qui a écrit quelques chansons que Ryan ne peut pas supporter. Je me suis pourtant frotté aux mafiosi de Little Italy. Mais je suis choqué par le sang-froid de ces artistes. Cette Culpepper et Cohen le Maniéré se livrent une sorte de double vendetta et ils demandent à Migori de choisir leur camp. Et voilà que Ryan me convoque dans son bureau pour parler de tous merdiers. Maudits artistes, tous des cinglés. Ah, vous croyez pouvoir m'achever ici, mon vieux? Les crétins que vous avez jetés dans cette chambre froide paniquaient comme des lapins. J'ai regardé et j'ai attendu. Quand ils ont commencé à crever, j'ai récupéré ce que je pouvais. Je me suis préparé un petit cocktail de plasmide. Eh ouais! Si on peut rien faire contre le froid, il faut se couvrir le cœur de glace. Attention! L'homme de glace arrive. Vous savez quoi? L'art, la musique, la poésie. Et tout ça, c'est de l'arnaque. Cohen mène Ryan par le bout du nez. Et comment? Parce qu'il lui dit ce qu'il veut entendre. Dresse-toi fièrement, rapture. Ah, foutaise, ouais. Ce slogan était périmé avant même de sortir de la plume de Cohen. J'en ai marre de tout ce cirque. On va voir si ce vieux débris essaie de me retenir ici. Ma collection est presque complète. Alors nous verrons qui est le véritable artiste ici. Vous voulez nous enfermer, mon vieux? Ah, mais ça me dérange pas. Avant, je vous appréciais. Je pensais que vous étiez un génie de la musique. Vous savez pourquoi? Parce que vous payez mon loyer, vieille carne. Venez au magasin de disques. Je vais vous montrer ce que je pense de votre pianotage débile. Que vous est-il arrivé? J'essaie de vous relever depuis des heures. Bon, peu importe. Foncez vers la bathysphère et allez à Héphaïstos, je vous prie. Il est temps de régler nos comptes avec Ryan. Ryan a remis les clés de la forteresse folâtre à un certain Sander Cohen. Pour beaucoup, Cohen est un artiste. Pour ma part, je pense qu'il est totalement cinglé. Dans ma vie, j'ai vu toutes sortes d'assassins, des cas extrêmes. Mais Cohen est totalement dément, un psychopathe vicieux de la pire espèce. Vous y êtes presque. La bâtisseur qui mène à Ryan est droit devant. Personne ne peut entrer dans les coulisses avant le spectacle, petit papillon. C'est qu'il ne tient pas en place. Descendez, petit papillon. La vie, la mort, le fardeau de l'artiste est la capture. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Je crois que vous avez un œil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef-d'œuvre. C'est ainsi que commence notre collaboration. I'm Sander fucking Cohen! Smile! Smile! Oh! Celui-ci sent le vinaigre de Malte. J'attends depuis si longtemps que quelque chose de savoureux arrive dans ce bled perdu et... Je ne vois que des ploucs. Mais... J'en oublie les bonnes manières. Entrez! Sander Cohen vous attend dans le hall de la marine. Atlas. Ryan. Atlas Ryan. Il fut un temps où l'on entendait des choses décentes à la radio. Tout artiste a le devoir de charmer l'oreille et d'enchanter l'esprit. Alors dites adieu à ces deux fanfarons et bienvenue pour une soirée avec Sander Cohen. The critics will try to crucify you. L'œuvre est achevée. C'était un malfaisant et mon préféré. Mais je crois que je le préfère comme ça. Prenez cette photo. Allez, hop! C'était un rustre, mais il était vigoureux. Prenez la photo avant qu'il soit complètement sec. La porte de la Plaza Poséidon vous est maintenant ouverte, petit papillon. Permettez-moi de lever le rideau. Ça commence à se mettre en place. Oui. Mais il y aura toujours des incrédules. Vous ne doutez pas de moi, j'espère. Je n'ai jamais supporté les incrédules. Je sais pourquoi vous êtes ici, petit papillon. Vous avez apporté la toile sur laquelle vous peindrez votre œuvre avec le sang d'un homme que j'aimais autrefois. Oui, je vais vous envoyer à Ryan. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef-d'œuvre. Allez à l'Atrium. Faites vite. Ma muse est une garce inconstante qui ne me consacre qu'une attention très brève. Voici Fitzpatrick, libéré de ses tares et de ses défauts. Et voici la grande nouvelle. Nous en sommes à l'instant de la conception. Il y a ici trois hommes. Tous étaient mes disciples et tous ont un point commun. Ils m'ont trahi. Trouvez-les, petit papillon, et immortalisez leur mortalité dans mon quadriptyque. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la vôtre. Et Ryan. Bravo! Où avez-vous fait vos études? Volez, petit papillon! Volez! Par exemple... C'est ça! Fuyez! Vous trouverez Finnegan dans les chambres froides. Je l'ai rencontré à Marseille en 1937. Il admirait ma peinture. J'admirais sa... calèche. Il fut le premier de mes disciples à me mordre la main. Tuez-le de la manière qui vous plaira, mais... j'apprécierais si vous pouvez le brûler d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas vu signe de vie ici depuis des mois. Voyons si vous êtes un simple nouveau venu ou quelque chose de nettement plus... succulent. Quelle remarquable démonstration d'athlétisme! Inutile de me remercier pour avoir brouillé les transmissions de ces rustres d'Atlas et de Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste, oui, l'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à labourer. L'artiste nage dans un lac de douleur. Il évolue parfois en quelque chose de magnifique, mais parfois il se noie. Non, non! Non, non, non! Dun, dun, dun, dun, presto, presto! Non, non! Allegro, allegro! Préparez le moule à plâtre, il sera très bien dans ma collection. Encore une fois, jeune Fitzpatrick! Oh, ce fut plus rapide que je n'espérais. Oh, ce fut plus rapide que je n'espérais. Comment pouvez-vous penser que je peux rencontrer mon public maintenant, alors que je me prépare? Impensable! Je suis... Sander Cohen! Prepare the plaster cast. He'll make a fine addition to the collection. Go on! Run! Fly away, little moth! Fly! Silence! Souriez! Souriez! Excusez cet emportement. Pardonnez à un vieux fou qui a du mal à maîtriser son tempérament artistique. La naissance est si proche. La peine du labeur obscurcit parfois notre jugement et... déchaîne les passions des esprits les plus évolués. Quick! Take the picture while the ghost is still tangy. Vous voyez le jeune Fitzpatrick sur la scène? Utilisez votre appareil photo. Immortalisez-le tel qu'il est aujourd'hui, pour que je puisse m'en souvenir. Qu'est-ce que vous attendez? Fitzpatrick ne tiendra pas la pose éternellement! C'était vivifiant. Prenez une photo de lui et placez-la sur le quadriptyque. Oh, je ressens la même plénitude qu'une femme enceinte. Stay in your seat now. Vous voltez dans la forteresse, prenant des vies au passage. Vous n'êtes pas un papillon. Vous êtes un ange. Je n'ai jamais peint d'ange.

succulent. Quelle remarquable démonstration d'athlétisme! Inutile de me remercier pour avoir brouillé les transmissions de ces rustres d'Atlas et de Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste, oui, l'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à labourer. La voie qui mène à Ryan est désormais libre. Dites-lui que Sander le salue. Ah oui. Vous pouvez prendre une de mes œuvres mineures pour vous remercier du temps que nous avons passé ensemble. Si vous étiez devenu mon unique et fidèle disciple, vous auriez pu être digne d'admirer mes travaux les plus personnels. Mais un tel homme n'est peut-être même pas encore né. Maintenant, partez. L'artiste nage dans un lac de douleur. Il évolue parfois en quelque chose de magnifique, mais parfois il se noie. Dun, dun, dun, dun. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, presto, presto, non, non, allegro, allegro. Encore une fois, jeune Fitzpatrick, comment pouvez-vous penser que je peux rencontrer mon public maintenant, alors que je me prépare? Impensable. Silence. Excusez cet emportement. Pardonnez à un vieux fou qui a du mal à maîtriser son tempérament artistique. La naissance est si proche. La peine du labeur obscurcit parfois notre jugement et déchaîne les passions des esprits les plus évolués. Quick! Take the picture while the ghost is still tangy. Qu'est-ce que vous attendez? Fitzpatrick ne tiendra pas la pose éternellement! C'était vivifiant. Prenez une photo de lui et placez-la sur le quadriptyque. Oh, je ressens la même plénitude qu'une femme enceinte. Stay in your seat now. Vous voltez dans la forteresse, prenant des vies au passage. Vous n'êtes pas un papillon. Vous êtes un ange. Je n'ai jamais peint d'ange. Peut-être devrais-je. Par exemple, je vous mets à l'épreuve, petit papillon, mais... j'ai une bonne raison. Je teste tous mes disciples. Certains brillent comme des galaxies. D'autres se brûlent les ailes comme un papillon sur la flamme. Venez, entrez dans ma maison. Nous en avons 3 sur 4. Vous en faites une tête. Vous n'aimez pas ça, j'imagine? Je n'ai nul besoin d'être jugé par vous, ni par personne. Allez au diable, vous et tous les incrédules! Tout ce que j'ai à vous dire. Oui, chargez la photo dans le cadre. Voyons ce que nous avons là. Vous voyez, quand je serai mort, c'est vers ceci qu'ils se tourneront. Mon quadriptyque, mon chef-d'œuvre. Allez-y, n'ayez pas peur, touchez-le. Bienvenue à la forteresse folade. Faites attention, espèce de maladroit! C'est mon œuvre! Le vandalisme est un crime très grave. Les vandales sont des parasites. Je regrette, monsieur Ryan. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Fontaine avait quelque chose à voir là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Pitié! Non! Non! C'est... Je croyais que vous aviez oublié votre pauvre Jasmine. Mais je suis ravie que ce ne soit pas le cas. Tiens, tiens, Andrew Ryan, un revenant. Venez ici, mon tigre. Monsieur Cohen! Non! Non! Monsieur Cohen, pitié! Je sais! Pitié! Cohen! Espèce de taré! Laissez-moi partir, merde! Oh, Jesus! Oh, God! Oh. Regardez bien, l'ami. Ce que vous voyez, c'est votre avenir. J'ai une pose toute choisie pour vous. Je crois que le vieux débris a enfin décidé d'envoyer quelqu'un. Ce scélérat m'a laissé geler ici. Je peux voir quand vous respirez. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui? Allez vous faire foutre! Y a donc pas un seul putain de vendeur ici? Et je vais peut-être... faire quelque chose? Non mais il se prend pour qui? Ma collection est presque complète, alors nous verrons qui est le véritable artiste ici. Tu tout, cela n'est qu'un jeu, jeune homme. Cohen et Ryan, deux vieilles chouettes qui se volent sans arrêt dans les plumes. Vous êtes le garçon de course de Cohen? J'ai quelque chose pour ce vieux hibou. Dites à ce vieux corbeau que sa musique brûle mieux qu'elle ne s'écoute. Si ce cinglé veut m'étriper, pourquoi il envoie pas une créature avec des bonnes dents? Mes chatons! Vous avez tué mes chatons! Passez un peu de temps avec mes chéris, petit malin!